La drogue est bonne, drogue et c'est le lien, drogue et c'est la bonne, et drogue il l'aime, la drogue est bonne, la drogue donne, drogue et c'est va vers la bonne drogue, la drogue bonne donne du bonheur, drogué a vu le lien, la drogue est bonne, drogué, drogué c'est aller au bon.